Et à moins, quand elle nous a laissés seuls en allant reprendre sa place au chevet de son mari qui râlait, « Votre honorable père m'a dit, avec Valérie pour femme, je deviendrai pair de France. J'achète une terre que je guette, la terre de Presles, que veut me vendre Madame de Cerisy. Je serai Crevel de Presles. Je deviendrai membre du conseil général de Seine-et-Oise et député. J'aurai un fils. Je serai tout ce que je voudrais être. » Eh bien, lui ai-je dit, et votre fille? Bah, c'est une fille, a-t-il répondu, et elle est devenue par trop une hulot, et Valérie a ces gens-là en horreur. Mon gendre n'a jamais voulu venir ici. Pourquoi fait-il le mentor, le spartiate, le puritain, le philanthrope? D'ailleurs, j'ai rendu mes comptes à ma fille, et elle a reçu toute la fortune de sa mère et 200 000 francs de plus. Aussi suis-je maître de me conduire à ma guise. Je jugerai mon gendre et ma fille lors de mon mariage. Comme ils feront, je ferai. S'ils sont bons pour leur belle-mère, je verrai. Je suis un homme, moi. Enfin, toutes ces bêtises, et il se posait comme Napoléon sur la colonne. Les 6 mois du veuvage officiel, ordonné par le code Napoléon, étaient expirés depuis quelques jours. La terre de Presles avait été achetée. Victorin et Célestine avaient envoyé le matin même Lisbeth chercher des nouvelles chez Madame Marneffe sur le mariage de cette charmante veuve avec le maire de Paris, devenu membre du conseil général de Seine-et-Oise.